fazer? Elle est unique en France, elle est unique en italien. Il débute d'abord comme pilote de Grand Prix motocycliste. Carrière pour la cause d'un boulot de lycée. Il n'a pas le baccalauréat. Et ça lui vaudra plus tard. Elle est surnom de motodidacte. Donné par ses adversaires. Il est ensuite élu en 83. Conseiller municipal de Lille. Et il devient l'adjoint au sport du maire, un jeune médecin. 2 ans plus tard, il entre aux Alpes-Maritimes après avoir battu au second tour un Jean-Hugues, un colonel. Parallèlement à ses fonctions, il est élu en 89 à la tête du comité départemental de la fédération RPR des Alpes. Un maritime, et en 92, il devient un premier vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il quittera ce mandat de conseiller régional en 2002 pour cause de cumul des mandats. Alors quoi? Il n'y a pas le droit d'être malhonnête. Alors quoi? Pour être élu, il faudrait être honnête. Alors quoi? Question Estrosi, alors quoi? Nadine Morano est née à Nancy. C'est une femme politique française. Elle est aussi à l'UMP. Et elle aime bien Christian Estrosi. Elle n'est pas décédée. Et toujours plus celle, c'est Nadine Morano. Nadine Morano est secrétaire d'État à la famille, puis à la solidarité. Nadine Morano aime les enfants. Et tous ces Français sont les enfants de Nadine Morano. Alors quoi? Faudrait être honnête.